Chapitre 3. Comment une étoile s'éteint. Karim vient à peine de finir cette dernière phrase quand, à l'improviste, Zaya se lève sans bruit, discrètement, quitte la table et disparaît dans sa petite chambre. Le frère en reste consterné. De sa sœur, il connaît le refus d'entendre ce genre de discours et n'oublie pas sa triste histoire. Brillante étudiante, elle obtint avec succès sa licence d'ingénieur, puis s'engagea dans une très belle carrière. Parallèlement, elle se livrait à des sports d'hiver, toujours souriante, heureuse de posséder un joli corps, svelte et bien formé. Soudain, un jour, changement total, complètement surprenant. Vêtements traditionnels islamiques, renoncement au travail, enfermement dans sa chambre avec lecture continuelle du Coran, sans le comprendre, par insuffisante de connaissances de la langue arabe classique, et prières, non pas les 5 réglementaires, mais multiples, jour et nuit, afin d'imprimer sur son front une marque noire, symbole, d'après les manipulateurs de la nouvelle convertie, de la bonne musulmane. Dans la famille, personne n'a compris le motif de cette brusque, effarante régression. Karim tenta plusieurs reprises d'interroger sa sœur pour comprendre. La sœur, bouche cousue, gardait la tête baissée, laissant clairement comprendre son refus de parler. Vint la crise de violence contre la mère et Karim, apparemment sans motif. Le comportement de Zaya s'aggrava au point d'imposer l'entrée en hôpital psychiatrique. L'interné se trouva jeté dans une salle remplie de femmes. Elles hurlaient, crachaient, urinaient et soulageaient leurs intestins partout. Quant aux traitements médicaux, ils consistaient essentiellement en mauvais traitements physiques de la part des infirmiers ou en électrochocs suivis de médicaments qui jetaient la malheureuse Zaya dans une hébétude totale. Au bout d'un certain temps, la malade ne supportait plus un tel supplice. Durant la visite de sa mère et de son frère, elle pleurait, implorait pour retourner au logis, en promettant de prendre les médicaments nécessaires pour se comporter de manière normale. Les supplications furent telles que Karim et sa mère amenèrent Zaya à la maison. Deux pylores, médicaments d'une part et d'autre part, pratiques religieuses exagérées, étaient devenues sa vie ordinaire quotidienne. Rapidement, le superbe corps de Zaya devint flasque et gros, des cernes en laidirent ses yeux. Son visage, gonflé, offrait une lamentable impression d'abattement. Karim en est resté profondément affligé. Une si belle fleur, si tristement fanée en son printemps même. Il se reprocha de n'avoir pas su éviter à sa sœur, tellement aimée, une issue tellement déplorable. Quelle cruelle ironie du sort quand on porte le nom Zaya, qui signifie « heureuse » ou « qui aime être heureuse ». Depuis sa chute dans ce tunnel totalement obscur, Karim ne prononçait jamais le nom de sa sœur sans éprouver une lancinante piqûre en lui-même. Une autre perspective inquiétait Karim. « J'espère que le suicide de Silagdar ne donnera pas une fatalité à ma sœur. Elle est devenue une âme morte. Et si elle ne prend plus ses médicaments qu'elle n'aime pas ?»« Dieu seul est mon médicament, » affirmait-elle. « Quel serait le résultat ?» Un autre phénomène était l'extrême violence manifestée par Zaya. Le surgissement de cet affreux et très dangereux comportement révélait un fait, le renoncement de Zaya à la prise des médicaments. D'où vient cette violence? Quel rapport a-t-elle avec la vision religieuse si restrictive et si extrémiste, si totalitaire, si mortifère de Zaya? Karim se reprochait son manque de connaissances. Même le psychiatre, interrogé par lui, fut incapable de fournir un éclaircissement. Souvent, dans les journaux, Karim lisait des articles concernant les suicides. De temps en temps, des praticiens du secteur tiraient la sonnette d'alarme, signalant toutefois l'inexistence d'enquêtes ou de statistiques, et les familles cachaient généralement le drame, par honte. On savait uniquement que la majorité des victimes n'étaient pas des vieillards, mais des jeunes. « Peut-être est-ce normal, pour ainsi dire, » pensa Karim. Vu la pauvreté, le chômage, la sexualité, l'affectivité frustrée, le manque de loisirs sains, et d'abord, surtout, l'humiliation endurée quotidiennement, partout, sous toutes les formes. Et comme recours, rien d'autre que la révolte de rue, l'émigration légale ou clandestine, sinon une vision religieuse insensée et dangereuse pour soi et pour les autres. Que faire alors? Que faire?